بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 42 dans la Aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Donc on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours avant le Ramadan. Donc on était rendu au dernier point. La dernière chose qu'on a lu, c'était, vous voyez, il y a beaucoup d'explications dans ce point-là. C'est à propos de l'istiwa à l'arche. Donc on n'a pas encore terminé d'expliquer ce point-là. Donc on va continuer. Naam. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen il dit fa in qala qa'ilun ana aqulu inna Allah istawa kama qala al-Qur'an wa la azidu ala dhalika shay'a qulna. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد الذين يفوضون يسمون أهل التفويض يعني أهل التجهيل يعني يسمون أهل التفويض وأهل التجهيل لأن هذا القول فتح باب للفلاسفة والباطنية وغيرهم أن يقولوا بباطلهم إذ قالوا إذا كنتم أنتم جهالا لا تعرفون المراد فنحن الذين نعرفه ولهذا حكم رحمه الله بأن هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وصدق رحمه الله وقد ذكر هذا رحمه الله في كتابه العقل والنقل وهو درء تعارض العقل الصريح والنقل الصحيح فهل يمكن أن يكون أشرف ما في القرآن وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته غير معلوم أبدا هذا لا يمكن. Donc ici il y a un point, le Cheikh il parle des mufawwidah, une secte parmi les sectes des gens de bid'ah, qui font partie des gens de kalam aussi. En fait, c'est les Asha'ira et les Asha'ira qui sont des Mufawwidah. Et on a déjà expliqué que parmi les Asha'ira et les Maturidiyya, il y a ces deux tendances. La tendance des Al-Mu'awwila et la tendance des Mufawwidah. Al-Mu'awwila, c'est ceux qui déforment le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple al-istiwa, ils vont dire c'est pas al-istiwa, ça veut dire al-istiwa, ça veut dire al-istawla. Ça c'est une forme de tahrif, forme de déformation, de falsification du sens. Il y a une autre catégorie des Asha'ira, des Maturidiyya, eux ils font pas le ta'wil, ils déforment pas le sens, mais ils font al-tajhil, c'est-à-dire ils font qu'est-ce que les ulama appellent tafwidul ma'na. Ils vont dire que ce terme on ne le connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie, on ne le comprend pas. Hein? Alors que c'est un mot connu dans la langue arabe, que les Arabes utilisaient avant l'islam, et dont la signification est simple et connue, et les sahaba l'ont utilisé, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé dans la révélation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, et les sahaba l'ont compris, et ils l'ont expliqué, mais eux, ils prétendent qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est de l'égarement et de l'ignorance. Donc quand il lit les versets dans le Coran, et les hadiths dans la sunna qui parlent des noms et des attributs d'Allah, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme des mots dans une autre langue, des mots dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Donc quand ils lisent, يعني الرحمن على العرش استوى, et ben eux, c'est comme si le mot استوى, c'est comme si un mot chinois, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Ils disent on comprend pas, on sait pas ce que ça veut dire. Donc on les appelle Ahlut Tajhil. Et donc le cheikh, il dit, il y a des gens, si on dit il y a quelqu'un qui dit par exemple, moi je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, يعني أن الله استوى, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et je dis, qu'est-ce que Allah a dit? Ar-Rahman ou al-Arsh istawa, comme c'est mentionné dans le Coran, mais je rajoute rien à ça, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors nous, on répond à ça, parce que eux, ils prétendent, les gens de Bid'a, parmi les Asha'ira, que la voix de Tajhil, la voix des gens de Tafwir, que ça, c'était la position des Salafs. Tu vois? Donc, ils mentent, ils ont menti doublement. Ils ont menti d'un côté en disant qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que signifie l'attribut, et ils ont menti sur les salafs en disant que c'était ça leur position, c'est-à-dire de dire qu'on ne peut pas comprendre. Donc ils ont doublement menti en disant ça. Et le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que cette parole des gens de Bid'a, c'est la pire. Cette parole des gens de Bid'a, c'est la pire parmi les paroles des gens de Bid'a au sujet des noms et des attributs. Et c'est la parole de ceux qui font le tafwid. Tafwid, ça veut dire, on dit, on s'en remet à Allah. On ne peut pas le comprendre, c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là ou cet attribut-là. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il les appelle Ahlut Tajhil. Ahlut Tajhil, c'est-à-dire, c'est des gens, ils traitent les salafs d'ignorants. Ils traitent les salafs d'ignorants, en disant que les salafs, ils ignoraient la signification des noms et des attributs d'Allah. Et le cheikh, il dit, cette parole des gens de Bid'a, elle a ouvert la porte aux philosophes et aux ésotériques, les sectes qu'on appelle les sectes batiniya. Les ésotériques, c'est qui? C'est des gens qui disent, hein, comme les ismaïliya, les durouz, les nusayriya et d'autres sectes ésotériques. Ils disent, personne ne comprend le sens caché du Coran excepté nous. Donc ils disent, il y a un sens apparent dans le Coran et il y a un sens caché. Nous, on comprend le sens apparent et le sens caché. Et personne ne peut comprendre le sens caché de la révélation excepté celui qui a été initié à nos enseignements secrets. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est qu'ils vont essayer d'interpréter tout ce qui est dans le Coran d'une autre façon que ce qui est apparent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là quand ils entendent les gens de Bid'a, parmi les gens de Tafwid, qui disent, on ne comprend pas qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Eux, ils en profitent. Et ils disent, vous comprenez pas parce que vous êtes des ignorants. Et nous, par contre, on connaît ces secrets-là. On connaît la signification de ces secrets. Hein? Et donc ça leur ouvre la porte à venir et semer leurs égarements et propager leurs égarements chez les gens. Et donc ils disent, si vous ne le savez pas, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien nous, on va le faire savoir, on va l'enseigner aux gens, on va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Et donc Ibn Taymiyyah, à cause de ça, il a jugé que cette position des gens de Kalam, des gens de Bid'a, des Mufawwida, c'est la pire des positions des gens de Bid'a et des gens de la déviation. Et il a dit vrai à ce sujet. Et c'est pour ça qu'il l'a mentionné dans son livre « Al-Aql wa Naql ». Et le livre d'Ibn Taymiyyah, « Dar al-Ta'arud bayn al-Aql wa Naql », c'est un de ses meilleurs livres, un de ses plus grands livres. Et même Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, dans son livre « Al-Sawa'iq al-Mursala », il a dit qu'il n'y a pas un livre qui a été écrit comparable à ce livre-là. C'est-à-dire le livre que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a écrit, Dar al-Ta'arud bayn al-Aql wa al-Naql, il dit qu'il n'y a pas un livre écrit par les ulama de l'islam qui est comparable à celui-là. C'est un livre unique dans lequel Ibn Taymiyyah réfute les philosophes. Il réfute les philosophes et il repousse l'opposition ou la contradiction entre la raison qui est claire et le texte qui est authentique. C'est ça le titre du livre. Dar al-Ta'arud bayn al-Aqli wa al-Naqli. C'est-à-dire repousser l'opposition ou la contradiction entre la raison qui est claire et le texte religieux révélé qui est authentique. Et il explique dans ce livre-là qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre un texte de la révélation dans le Coran ou dans la Sunna qui est authentique et la raison qui est correcte et droite. Ce n'est pas possible qu'il y ait une contradiction entre les deux. Et il l'établit et il réfute les philosophes justement à ce sujet-là. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, est-ce qu'il est possible que le Coran et ce qui est de plus noble dans le Coran, c'est-à-dire les noms et les attributs d'Allah, ne soient pas connus? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc Cheikh ibn Uthaymin, il dit, comment la chose la plus importante dans le Coran, et même ibn Taymiyyah, il le mentionne dans son livre Al-Hamawiyya, que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il dit que quand le juif est venu le voir, et il lui dit, vous, votre prophète, il vous a tout appris, même comment aller aux toilettes. Et lui, le juif, il dit ça même pour se moquer. Le juif, lui, il dit ça, il veut se moquer, en voulant dire, même comment aller aux toilettes, il vous a enseigné. Et Salman al-Farisi, il lui répond de façon sérieuse. Et il lui répond, il lui dit, effectivement, notre messager nous a tout enseigné, même comment aller aux toilettes. Il lui a mentionné les détails des règles, comment faire pour aller aux toilettes et comment se nettoyer, comment se purifier après, en voulant dire, oui, même ça aussi, ça fait partie de notre religion et notre prophète nous l'a expliqué. Alors Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné comment aller aux toilettes, comment faire nos besoins, comment se nettoyer, comment se purifier, et il ne nous a pas expliqué qui il est et comment croire en lui, qui est la chose la plus importante dans la religion. Comment il va nous expliquer comment aller faire nos besoins, comment aller aux toilettes, mais il ne nous explique pas la foi en lui et qui il est et ses noms et ses attributs. Il ne nous les explique pas. Ça, c'est pas logique. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a mentionné ça comme un point, et c'est un point qui est évident. Parce que c'est la chose la plus importante dans la religion, Allah, il ne va pas la négliger, il ne va pas la laisser sans l'expliquer. Un autre point après, le Cheikh, il dit, « Mas'alatun as-sifatul fi'liya, alaysat as-sifat al-fi'liya, alaysat mithlu al-kalam, في أن أصلها ذاتية الجواب لا فمثلا الجواب لا فمثلا الاستواء على العرش لم يسبق خلق العرش لكن قد يقول قائل إن الاستواء على العرش نوع من الأفعال وأن جنس الأفعال صفة ذاتية ولا مانع من هذا أن نقول جميع الصفات الفعلية ترجع إلى جنس الصفات الذاتية لأن جنسها ما زال ولا زال الله تعالى موصوفا به كما لا بد أن نقول إن كل شيء يتعلق بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع والأنواع يدخل تحتها آحاد فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام والنزول والاستواء والرزق والإحياء والإماتة فهو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل وهذا الجنس يكون فيه أنواع فالكلام أنواع خبر واستخبار يعني أمر ونهي وهذه الأنواع لها آحاد كقوله فقوله تعالى أقيموا الصلاة هذا واحد وقوله آتوا الزكاة هذا واحد وكله أمر فصفات الأفعال واسعة لا نحصيها. Donc ici le cheikh il explique un point, il dit les attributs d'action que Allah a révélés, les attributs de ses actions, n'est-ce pas qu'on peut dire d'elles qu'elles sont également des attributs d'être comme la parole, parce que l'attribut de la parole c'est un attribut d'être et un attribut d'action en même temps. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'acte de parler et cette capacité de parler fait partie de son être dans le sens qu'il a, il a éternellement été capable de faire cet acte et de parler. Et c'est pour ça que les ulama ils disent à propos de la parole d'Allah que c'est un attribut qui est Naam qadimun no hadithul ahad. Donc c'est ça qu'ils disent dans le sens que cette sorte d'acte qui est la parole, elle est éternelle, mais elle se fait à différents moments, elle se renouvelle à différents moments, à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala parle, à chaque fois qu'il s'adresse à sa création, il dit une parole nouvelle, comme par exemple quand il a parlé à Moussa alayhi salam, et lorsqu'il lui a révélé la Torah, ça c'est une parole. Puis quand il a révélé le Coran, ça c'est une autre parole. Et ainsi de suite. Quand il a parlé à Adam, c'est une autre parole. Et des fois, dans ses paroles, il a un ordre. Des fois, il a une information. Des fois, il y a une interdiction. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les ulama, même parfois, ils mentionnent dans le verset 5, dans Surat Ash-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa kanu anhu mu'ridin. Aucun nouveau rappel ne leur vient, nouveau rappel de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils ne l'esquivent, sans qu'ils ne s'en détournent. Donc Allah il a décrit le rappel comme étant muhdathin dans ce verset là, comme étant nouveau. Donc, ils disent qadimun naw hadithul ahad. Et ici, donc, il dit le cheikh, est-ce qu'on peut dire donc des attributs de l'acte, n'est-ce pas qu'elles sont comme la parole et qu'elles font aussi partie des actes, qu'elles font également partie de l'être à la base? Et le cheikh il répond à ça en disant non, il dit on ne peut pas dire ça. Il dit l'exemple comme à l'istiwa, le fait de s'élever sur le trône, et bien c'est lam yasbaq khalq al-arsh, donc ça c'était pas avant la création du trône. Allah ne s'était pas élevé sur le trône avant la création du trône, donc on ne peut pas dire que c'est le cas. Quelqu'un pourrait dire par contre que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'est élevé sur le trône, que ça c'est une sorte d'action. Et donc du fait que ça fait partie d'une catégorie, des catégories d'attributs qui font partie des actions, et que c'est une sorte d'action, qu'on peut dire dans ce cas-là, que puisque ça fait partie des actions, les actions font partie des attributs de l'être. Donc que ça fait partie des attributs de l'être dans le sens que ça fait partie des actions, hein, et que c'est une sorte d'action. Donc ça, il n'y a pas de mal à le dire. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, le cheikh il dit, il n'y a pas de mal à dire que tous les attributs qui sont des attributs d'action reviennent à une catégorie d'actions qui font partie de l'être. لأن جنسها ما زال ولا يزال الله تعالى موصوفا به. Pourquoi ? Parce que cette catégorie-là, parmi les attributs, ils ont toujours fait partie et feront toujours partie des choses par lesquelles Allah est décrit. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Buruj, il dit فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ فعال لما يريد فعال c'est la forme qu'on dit siratul mubalagha, hein, c'est la forme superlative de le fait de faire l'action. La forme ordinaire c'est fa'il, et la forme siratul mubalagha c'est fa'al, c'est-à-dire celui qui fait tout le temps quelque chose, hein. Donc il dit, de même que on dit à propos des attributs de l'action, que ce sont des attributs qui sont reliés à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il les fait quand il veut. Et c'est ça qui les distingue des attributs, aussi une des distinctions avec les attributs de l'être. Parce que les attributs de l'être, ce sont des attributs qui sont présents avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui font partie de lui éternellement, tandis que les attributs de l'action sont des attributs que Allah il les fait quand il veut les faire, comme la création, comme le fait de s'élever sur le trône, comme le fait de parler, comme le fait de yani, et ainsi de suite, hein, donner le risque ou autre, tandis que le fait que par exemple Allah est alim, Sami', Basir, Khabir, Aziz, Qadir, ça c'est des attributs de l'être. Ça se sépare jamais de lui. Hein? Et c'est pas relié à sa volonté. Et donc il dit que les attributs, donc les, il dit les actions, eh bien elles sont divisées en différentes sortes. Et les différentes sortes, eh bien, il dit wala nu'a yadkhulu tahtaha ahad. En dessous de ces différentes sortes d'actions, il y a des des éléments d'action, des actions qu'il fait quand il veut, comme par exemple la parole, la descente, le fait de s'élever sur le trône, le fait de donner la subsistance, le fait de faire vivre, le fait de faire mourir, hein. Quand il a fait, par exemple, mourir telle personne, ou quand il fait vivre, hein, il a fait vivre, par exemple, telle personne après qu'elle soit morte, hein, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des actes à des moments spécifiques, et Allah a voulu le faire pour certaines personnes pendant cette vie. Hein. Il y a des exemples de ça dans le Coran. Donc, fahoua, جِنْسٌ يَشْمَلُ كُلَّ فِعْلٍ يَصْدُرُ مِنَ اللَّهِ. Donc ça c'est des catégories d'actions. Ça rentre dans les actions et Allah, hein, il fait ces actions-là quand il veut. وَهَذَا الْجِنْسِ يَكُونُ فِيهِ أَنْوَاعٍ. Donc cette catégorie d'actions, il y en a dedans, l'action, il y a des catégories dedans. Et comme la parole, eh bien, il y a différentes sortes de paroles aussi. Il y a des ordres, il y a des interdictions, il y a des informations, il y a des questions, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des éléments différents de la qui composent la parole. Et quand il dit, par exemple, wa aqimus salah, ou quand il dit wa atuz zakah, ça, c'est des différentes paroles, des différents ordres. Hein? فصفات الأفعال واسعة. Donc les attributs des actions, c'est large et c'est vaste et يعني innombrable. مسألة إذا قال قائل إذا قلنا اليد معلومة فمعناه يعني مثل هذه اليد فهل هذا صحيح؟ نقول ليس بصحيح أبدا. فلو قلنا إن للجمل يدا فهل نقول مثل هذه اليد؟ وهل للهر يد مثل هذه اليد؟ وهل للأسد يد مثل هذه اليد؟ لا أبدا. فلا يلزم من إثبات الحقيقة التمثيل إطلاقا، وإثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل ولبعض الناس التمثيل. أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل ولبعض الناس التمثيل. فالممثلة قالوا لا نعقل يدا حقيقة أو حقيقية إلا مثل يد المخلوق. وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل هذا المخلوق لزم من إثباتها التمثيل، فالتمثيل ممنوع، إذن يجب أن ننفي اليد الحقيقية وليس فيها إشكال. فنقول إنك لو أردت أن تجعل اليد يدا معنوية أخرجتها عن الظاهر، فلا بد أن تقول اليد معلومة على أن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معان ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاد، مثل الوجه والعين واليد والقدم. ولكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاد، لأن البعض في اللغة هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفقده. فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إن أبعاد، ولكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا تسمى الصفات الخبرية ولا يقال الصفات المعنوية، لأنها مقصورة على الخبر. أي نعم. Donc ça ici là, je demande l'aide d'Allah pour m'aider à bien expliquer qu'est-ce que le cheikh il dit ici. Même si dans un sens c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste de l'expliquer de la façon la plus simple possible pour que ce soit facile à comprendre, inshallah. Le cheikh ici, il dit que si quelqu'un dit la main qu'on possède, elle est connue, c'est-à-dire on connaît la signification de la main. Et quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a une main, on sait qu'est-ce que ça veut dire ça, sa main, que Allah a une main. Et si quelqu'un disait par exemple, donc quand on dit que la main elle est connue, donc ça veut dire qu'elle est comme notre main. Est-ce que ça c'est exact? Et le cheikh il répond, il dit non, ça c'est pas exact. Ça c'est pas exact du tout. De dire que parce qu'on connaît la signification de la main, que ça veut dire que cette main elle est comme la nôtre, ça c'est incorrect. Il dit, si on disait par exemple que le chameau il a une main, est-ce que ça veut dire que parce qu'on connaît l'exemple de qu'est-ce que signifie la main pour le chameau, que ça veut dire qu'elle est comme notre main à nous, les êtres humains? Non. Il dit la même chose pour le chaton. Il a une main. Qu'est-ce qu'on appelle en français les pattes? Mais en arabe, tout ça c'est le même mot. On dit yad pour le chameau, pour le chat. C'est le même mot, yad. Donc, est-ce que la main du chat, elle est comme la main du chameau? Est-ce qu'elle est comme la main du singe? Est-ce qu'elle est comme la main de l'homme? Non. Chacun, il a une main qui lui correspond. Donc, le fait de dire qu'un a une main, ça ne veut pas dire que tu la fais ressembler à la main de l'autre. Donc, si tu dis qu'Allah, il a une main, ça ne veut pas dire que sa main, elle ressemble à la main des êtres humains. D'accord? Ou qu'elle est comme ça, comparable à notre main. Parce que le créateur, il a une main qui correspond au créateur, et la créature, il a une main qui correspond à la créature. Et étant donné que le créateur, il est parfait, la main du créateur est parfaite. Tandis que les créatures sont des créatures, elles ont des mains qui correspondent aux mains des créatures. Donc il n'y a pas de ressemblance de comparaison possible. Et donc le cheikh, il dit, de même que le lion, c'est la même chose. Le lion, il a une main. Est-ce qu'on dit sa main, c'est comme la main du chat? Non. Chacun, il a une main qui lui convient. Mais c'est une main réelle. Est-ce que parce que notre main, elle n'est pas comme la main du lion, on va dire notre main, elle n'est pas réelle parce qu'elle n'est pas comme la main du lion? Non, elle est réelle. La main de l'homme, c'est une main réelle. La main du lion, c'est une main réelle. La main d'Allah, c'est une main réelle. Mais quand on dit une main réelle, ça ne veut pas dire qu'elle est semblable ou comparable à la main des créatures. D'accord. Après, le cheikh, il dit fanaqul. Donc ça, on a expliqué. Donc il dit que d'affirmer la réalité d'une chose, ça n'implique pas du tout la ressemblance. Le fait d'appliquer ou de dire on croit que Allah a une main qui est réelle, ça n'implique pas du tout que il y a une ressemblance entre la main du créateur et la main des créatures. Il dit, et là c'est là qu'il mentionne des choses qui ont rapport avec certains points qui peuvent être parfois un peu compliqués, mais essayez de suivre comme il faut, puis Inch'Allah ça va être clair. Lorsqu'on affirme la réalité d'une chose, eh bien ça implique le fait d'avoir affirmé une réalité, ça a amené certaines personnes à tomber dans la déformation et la négation. Et ça a amené d'autres à tomber dans le fait de vouloir faire ressembler et comparer Allah à sa créature. Donc certains parmi les gens d'égarement, sont tombés dans l'erreur par rapport aux attributs d'Allah, l'erreur de vouloir falsifier et de nier les attributs d'Allah. Tandis que d'autres, ils sont allés dans l'autre extrême et ils ont voulu prétendre faire une ressemblance entre la créature et le créateur et de dire que les deux sont pareils. Donc c'est les deux extrêmes qu'on appelle l'extrême des gens de ta'til et de tahrif, ceux qui nient et qui déforment les attributs d'Allah. Et l'autre extrême de ceux qui disent non, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, les deux sont pareils. Ça c'est l'autre extrême, les mumathila et les mu'attila, les deux extrêmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui font les ressemblances entre le créateur et la créature et qui disent que la main du créateur et la main de la créature, c'est la même chose ou c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit le même raisonnement que les autres, en fait, mais ils ont eu une conclusion opposée. C'était quoi leur raisonnement? C'est de dire que puisqu'on ne peut pas comprendre une main réelle autre que la main des créatures, donc ça veut dire que quand Allah dit qu'il a une main, ça veut dire qu'il a une main comme la main des créatures. Ils ont fait le tamthil, ils ont fait la comparaison, la ressemblance entre le créateur et la créature. Ils sont tombés dans le kufr et dans le shirk à cause de ça. Les autres qui sont à l'opposé, ils ont fait le même raisonnement, mais ils sont venus à la conclusion opposée. Les gens de la négation et de la déformation, ils ont dit on ne peut pas comprendre une main autre que la main qu'on connaît chez les créatures, donc ça implique que il faut la nier parce qu'il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature. Voyez, les deux, ils ont eu à la base le même raisonnement, d'essayer de vouloir comparer la main des créatures et la main du créateur. Le premier extrême, les Mumathila, eux, ils ont assumé leur égarement. Et ils ont dit d'accord, puisqu'on dit que on ne connaît pas de main excepté la main des créatures, donc ça veut dire que la main du créateur est comme la main du créature. et ils ont dévié dans ce sens-là. Tandis que les autres, ils ont fait cette ressemblance dans leur esprit, mais ils ont dit, étant donné qu'on ne peut pas dire que le Créateur et la créature sont pareils ou semblables, donc ça veut dire qu'en réalité, il faut déformer le sens de cette parole. Il ne faut pas dire que Allah a une main. Il faut dire que la main, ce n'est pas la main en fait. Yarhamukallah. Donc ils disent, la main, ce n'est pas la main, c'est la puissance. Ou la main, ça ne veut pas dire main, ça veut dire la grâce. Ou bien des choses de ce genre. Ils ont déformé le sens. Et à la suite de ça, ils ont dit, et en même temps, il faut nier que Allah a une main. Il faut nier que Allah a une main. Donc ils ont nié par la suite. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et le cheikh, il dit ensuite, Yarhamukallah, Shafakallah. Après trois fois, on dit Shafakallah. Idan, Yajibu, An-Nanfi. Donc c'est ça, ils ont dit, il faut nier à cause de ça. Ils ont voulu nier à cause de l'image qu'ils se sont fait dans leur esprit d'une main qui ressemble à la main des créatures. Alors ils ont dit, bon, puisque on ne connaît pas de main autre que cette main-là, il faut nier la main. Et ils déforment le sens à cause de ça. Donc le cheikh, lui, il dit, nous on dit, si tu veux faire d'une main une main abstraite, hein, par exemple, quand tu parles d'une main, est-ce que tu as déjà vu une main toute seule qui flotte dans les airs ou qui n'est pas rattachée à quelque chose ou à quelqu'un? À moins qu'on ait pris une main et qu'on l'ait coupée, hein, et qu'elle flotte quelque part dans l'espace. Mais même à ça, si tu coupes la main d'un être humain, tu vas dire c'est une main d'être humain. Tu vas pas dire c'est une main c'est pas une main reliée à une créature ou à une chose quelconque. Ou bien c'est pas une main qui est reliée à un corps. Hein? Tu vas pas dire ça. Tu vas dire c'est la main d'une espèce en particulier ou de quelque chose, de quelqu'un en particulier. Mais quand tu parles sur le plan des idées et que tu t'imagines une main quelconque, tu peux uniquement imaginer une main abstraite dans ton esprit. Tu ne peux pas imaginer une main abstraite toute seule qui existerait sans être reliée à son corps, excepté dans ta tête. Ce n'est pas possible sinon. Hein? C'est l'idée de la main, ce qu'on appelle l'idée de la main. D'accord? Cette main-là, elle n'existe que dans ta tête. Elle n'existe pas dans la réalité. Sinon, dans la réalité, il n'existe qu'une main qui est reliée au corps avec lequel il a été, hein, il est relié. Donc par exemple, si tu parles d'une main humaine, donc tu vas dire ça c'est une main d'être humain. Si tu parles d'une main d'un animal, tu vas dire ça c'est la main d'un animal, la main d'un singe, la main de tel animal, la main de tel animal. Tu ne peux pas dire une main tout seul sans qu'elle soit reliée à l'espace, à l'espèce ou à la personne avec qui elle est. Hein? Et si tu parles de la main d'Allah, eh bien ça c'est la main du Créateur. C'est spécial, c'est spécifique. D'accord? Mais de parler d'une main tout seul qui n'existe que par elle-même, ça c'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe que dans l'esprit. Donc quand on dit que Allah il a une main et qu'on dit que les créatures ont des mains, hein, la ressemblance ou le lien qu'il y a entre ces deux catégories de mains, c'est uniquement dans ton esprit qu'elle existe. Dans cette forme abstraite, qu'est-ce que toi tu imagines être une main dans ta tête? C'est seulement dans cette forme abstraite qu'il y a une ressemblance ou un lien entre les deux. Mais dans la réalité des choses, il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Hein? Il n'y a pas de ressemblance entre la main d'un singe et la main d'un chameau, ou la main d'un chat ou d'un lion, ou la main d'un être humain. Et de la même façon, il n'y a pas de ressemblance entre la main des créatures et la main du Créateur. Le fait qu'on utilise le même nom pour désigner la main, quand on parle de la main d'Allah, et la main, qu'on utilise le mot main pour désigner la main des créatures, ça n'implique pas du tout qu'il y ait une ressemblance dans la réalité entre ces deux mains-là. Sauf dans notre esprit quand on pense à l'idée d'une main. Mais cette idée abstraite d'une main, elle n'existe pas réellement. C'est juste dans notre esprit. D'accord ? Donc c'est ça que le cheikh il est en train d'expliquer ici. Et c'est ça que je vous disais, que c'est ça qui est un petit peu difficile peut-être à comprendre. Il dit donc إنك نقول فإنك لو أردت أن تجعل يد يدا معنوية أخرجتها عن الظاهر. Si tu veux faire d'une main une main abstraite, tu la fais sortir de ce qui est apparent. فلا بد أن تقول اليد معلومة وعلى أن ظاهرها بالنسبة لنا أبعاد. Donc c'est sûr que dans ce cas-là tu vas dire que la main elle est connue et que ce qui est semblable par rapport à nous est une partie d'un corps. C'est une partie d'un corps quelconque. Et il dit وَلِهَذَا صِفَاتُ اللَّهِ مِنْهَا صِفَاتُ مَعَانٍ. لِهَذَا صِفَاتُ اللَّهِ مِنْهَا صِفَاتُ مَعَانٍ وَمِنْهَا صِفَاتُ نَظِيرُهَا بِالنِّسْبَةِ لَنَا أَبْعَضٍ. Donc il dit, c'est pour ça que il dit les attributs d'Allah, il y a parmi ces attributs-là des attributs de sens, et il dit il y en a parmi elles de ce qui est apparent par rapport à nous, c'est des parties, par rapport à qu'est-ce qui est par rapport à nous les êtres humains, quand on parle de ces attributs-là de façon abstraite, pour nous c'est des parties de notre corps. Le visage, les yeux, la main, le pied. Mais on ne dit pas que ce sont des parties par rapport à Allah. On ne dit pas par rapport à Allah que ce sont des parties. Parce que une partie dans la langue arabe, c'est quelque chose qui n'est pas possible qu'il existe. Il dit... لأن البعض في اللغة هو ما يمكن ما هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفقده. Donc il dit une partie, il définit en fait dans la langue qu'est-ce que signifie le mot partie. Et c'est là que ça se complique un peu quand il dit que مَا يُمْكِنُ وُجُودُ الْأَصْلِ دُونَهُ. Ce que la base, c'est une chose, la base elle peut exister sans elle. وَمَا يَنْقُصُ الْأَصْلُ بِفَقْدِهِ. Et qu'est-ce qui fait diminuer l'origine ou la base en l'ayant perdu. D'accord. C'est ça la définition de al-ba'd en arabe. Une partie de quelque chose. Une partie de quelque chose, c'est quoi? C'est quand c'est quelque chose que tu peux enlever à la base, et quelque chose que quand la base on l'enlève à la base, elle l'a perdu. Elle a ça en moins de sa composition. Donc c'est une partie de quelque chose. C'est ça, comme ça que les savants le définissent. Mais il dit فَلِهَذَا يَتَحَاشَ الْعُلَمَاء أَنْ يَقُولُوا إِنَّهَا أَبْعَدٌ. Il dit c'est pour ça qu'on peut pas dire ça à propos d'Allah et de ses attributs. Les ulama, ils se réservent d'utiliser ce genre de langage quand ils parlent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne vont pas dire ça à propos d'Allah. Et c'est pour ça qu'on n'appelle pas les attributs d'Allah des attributs de sens ou des attributs abstraites, mais plutôt on les appelle des attributs en arabe, al-khabariya. On les appelle des attributs khabariya et on ne dit pas des attributs ma'nawiya. Pourquoi? Parce qu'on se limite à dire du fait que ces attributs-là nous ont été mentionnés mentionnés par Allah dans la révélation et qu'on les connaît à cause du fait que Allah nous a informé du fait qu'il a ces attributs-là. Et donc on s'arrête à ça. Mais de commencer à rentrer dans les définitions philosophiques des gens de bid'ah, qui eux commencent à dire « Oh mais vous, si vous attribuez à Allah une main, ou que vous attribuez à Allah un visage, et que vous attribuez à Allah des yeux, et que vous attribuez à Allah des membres du corps, hein, eh bien ça veut dire que vous êtes en train de décrire des parties, des membres, hein, un corps et des choses de ce genre. » Donc c'est comme ça qu'il parle à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette façon de parler, elle n'est pas respectueuse à propos d'Allah. On n'a pas le droit de parler de cette façon-là. On se limite uniquement à dire à propos d'Allah ce que Allah a dit à propos de sa personne. Il nous a dit ce qu'il a comme attribut et il nous a mentionné les choses dont il s'est purifié lui-même par rapport à des faiblesses ou à des imperfections. Et nous donc, on se limite à affirmer ce qu'il a affirmé et à nier ce qu'il a nié. Et le reste, on ne rentre pas dans la philosophie ou dans ce genre de discussion-là et ce genre d'implication qu'eux, ils font pour essayer d'arriver par cela à amener les gens à rejeter et à nier les attributs. Ça, c'est très dangereux. Donc, le cheikh, il dit « Faïda ». المعطلة مأخوذة من التعطيل والتعطيل هو التخلية والتعطيل يفسر بتفسيرين تعطيل النصوص عن معناها وتعطيل الخالق عن صفاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل هذا وقع فيه أهل التعطيل فعطلوا النصوص عن معناها الذي أراد الله بها ورسوله وعطلوا الخالق عن أوصافه التي ثبتت له بالكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit ici un point, c'est que quand on appelle les gens qui nient les attributs des mu'attila, il faut savoir que le mot mu'attila, hein, ça vient du mot ta'til, et le mot ta'til ça veut dire vider quelque chose, vider quelque chose. Et souvent les savants de Aqidah, quand ils expliquent la signification du mot ta'til, ils vont dire par exemple des exemples bi'run mu'attal, bi'run mu'attal, c'est-à-dire un puits qui est mu'attal, ça veut dire il est vide ou bien on ne l'utilise plus, il est abandonné. Na'am. Donc ta'til, ça vient de cette signification-là. Et donc, on utilise cette expression-là pour décrire ceux qui vident les textes de leur sens. Ça veut dire que les mots qui sont mentionnés dans le Coran, dans la Sunna pour désigner les noms et les attributs d'Allah, eux, ils les prennent et ils vident ces mots-là de leur sens. Alors, ça veut dire que c'est des mots maintenant qui n'ont plus aucune utilité ou qui ne veulent plus rien dire. Hein? Et donc ça c'est très dangereux. Et donc le cheikh il dit ta'tilul khaliq an sifati, de vider d'Allah, de vider le créateur Allah de ses attributs. Donc il retire les attributs au créateur. Et donc il dit kullu hadha waqa'a fihi ahlu at-ta'til. Il dit que les gens de ta'til, ça s'interprète de deux significations. تعطيل النصوص عن معناها وتعطيل الخالق عن صفاته. C'est ça les deux significations. Les deux significations. La première signification du ta'til, c'est de vider les textes de leur sens. Et la deuxième signification, de retirer au créateur ses attributs. De retirer au créateur ses attributs. Et donc il dit ces deux catégories de ta'til, les gens sont tombés dedans, parmi les gens de Bid'ah. Ils ont vidé les textes de leur sens, hein? Ils ont vidé les textes de leur sens, c'est-à-dire le sens que Allah et son messager ont voulu donner à ces textes. Et ils ont également retiré à Allah et vidé Allah de ses attributs, qu'il a affirmé dans le Coran et dans la Sunna. Il dit « وَلَكِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ تعطيل كلي وتعطيل جزئي. Il dit que التعطيل il se divise en deux catégories. Un تعطيل total et un تعطيل partiel. C'est-à-dire le fait de vider, de nier les attributs de façon qui est totale, complète et de façon partielle. Hein? De façon partielle. C'est-à-dire qu'il y a certains parmi les gens de Bid'a, ils nient les attributs d'Allah complètement et il y en a d'autres qui nient certains attributs en affirmant d'autres aussi. Et il y a aussi ceux qui font le ta'til, la négation, de façon directe et d'autres qui le font de façon indirecte. D'accord ? Donc le cheikh il explique, il dit وتعطيل عام وتعطيل خاص. Donc il y en a qui font aussi un ta'til, négation des attributs générales et d'autres qui le font en particulier. لأن بعض المعطلة قد يعطلون بعض الصفات دون الصفات. فالأشاعرة مثلا أثبتوا سبع صفات وعطلوا الباقي. وبعض أتباعهم أثبتوا كل الصفات إلا الصفات الفعلية. فقالوا جميع الصفات المعنوية ثابتة إلا الصفات الفعلية والخبرية. فمنعوا أفعاله الاختيارية. وقالوا إن الله لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فالأمة ملايين الملايين وهناك أهواء وآراء تختلف. Donc le cheikh il dit, il y a certains parmi les gens de Bid'a qui affirment certains attributs. Ils nient certains attributs et ils affirment d'autres. Comme les Asha'ira, مثلاً. Les Asha'ira, c'est une secte parmi les sectes des garments qui existent encore aujourd'hui. Et eux, ils affirment sept attributs à Allah seulement. Ils affirment uniquement sept attributs. Tandis que les autres attributs d'Allah, ils les nient. Hein? Et donc, il dit... Hein? Il dit, فَالْأَجَعِرَا donc... وَبَعْدُ أَتْبَاعِهِمْ donc, ils affirment les six attributs. C'est quoi les six attributs qu'ils affirment, les Asha'ira? C'est les attributs comme par exemple Al-ilm, Al-qudra, Al-sam, Al-basar, ça fait quatre. Ils affirment Al-kalam, aussi ça fait cinq. Il en manque deux. Al-Hayat, la vie, et la sixième, Al-Irada, la volonté. Donc ça, c'est les sept attributs que les Asha'ira affirment. Toutes les autres, ils les affirment pas. Ils les nient. Soit ils les nient dans le sens qu'ils déforment leur signification et leur donnent une autre, ou bien soit qu'ils les nient en disant qu'ils ne savent pas ce que ça signifie. Comme par exemple, à l'istiwa, ils vont dire que ça veut dire istawla. La main, ils vont dire que c'est pas la main, ça veut dire la force ou la puissance. Par exemple, yani, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, eux, ils vont nier ça aussi. Ils disent non, Allah, il aime pas. Ou quand il dit qu'il déteste certaines personnes ou certaines choses, eux, ils refusent ça. Ils disent non. On ne dit pas que Allah aime ou qu'il déteste. On ne dit pas que Allah se réjouit. On ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a la miséricorde. On ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a la colère. On ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala s'élève sur le trône. On ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux. Donc tous les attributs, il les renie. Parmi les Asha'ira qui affirment cet attribut, il y en a également parmi eux, parmi ces gens-là qui disent, eux, qu'ils affirment, hein, il dit Afbatou, c'est ça, il y en a qui vont affirmer plus que d'autres, certains attributs, ils vont les ajouter aussi, si c'est des attributs d'action, ils vont affirmer des attributs, sauf les attributs d'action. Donc ils vont accepter d'affirmer par exemple certains attributs parmi les attributs d'Allah, mais pas les attributs d'action. Donc ils vont dire toutes les attributs abstraites, on va les affirmer, excepté les attributs d'action qui ont été mentionnés dans la révélation, qui sont des actes volontaires d'Allah, on ne les affirme pas. Donc ils disent, Allah il ne descend pas, Allah il ne s'élève pas sur le trône, Allah il ne rit pas, Allah il ne se réjouit pas, et ainsi de suite. Donc il dit que la Umma est composée de millions de personnes, des millions de personnes, mais il dit, mais il y a aussi beaucoup de passions et beaucoup d'opinions qui divergent parmi les gens. C'est pour ça que c'est important de revenir à la aqidah des salafs. C'est pour ça que c'est obligatoire pour nous de retourner à la aqidah des salafs pour trancher entre ces divergences et pour que les musulmans puissent revenir à qu'est-ce qui est la vérité de toutes ces divergences-là. Le cheikh il dit « Wa amma al-mumathila fayuqal inna awwala man qala bit-tamthil Hisham ibn al-Hakam al-Rafidi wa hadha al-asr » أن وأن بعضهم والعياذ بالله يصف الله بصفة الإنسان يقول إنه شخص له شعر ووجه ووجه أبيض مستدير يذكر من صفات الجمال إلى ما لا نهاية له حتى قال بعضهم اسألوني عن كل شيء أعفوني عن الفرج واللحية يعني يقول هذا من الورع لأن نسأل الله العافية Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les mumathila, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire c'est ceux qui font l'autre extrême qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire eux ils comparent directement le créateur et la créature ensemble et ils disent que le créateur il est comme les créatures, comme les êtres humains, et celui qui a été le premier parmi les gens de l'égarement a prononcer cette croyance-là et cet égarement-là, c'est un homme qui s'appelait Hisham ibn al-Hakam et qui faisait partie des Rafidah. On l'appelle un Rafidi parce qu'il fait partie de la secte des Shia. Donc c'est lui le premier qui a ramené cette bid'a qu'on appelle le Tamthil, qui fait partie des croyances de kufr et de shirk. Et ça, c'est la base donc de cette croyance-là. Et il dit que certains d'entre eux, wal'iyazu billah, que Allah nous préserve, ils ont même décrit Allah par des attributs d'être humain. Et ça, tu le retrouves chez les chrétiens, ça, souvent. Tu vois, chez les chrétiens, de décrire Dieu, Allah, comme un être humain, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup dans leur culture. Tu regardes, par exemple, même à Rome, tu vas aller au Vatican, la chapelle, une des chapelles qui a été peinte par Léonard de Vinci, eh bien, il a dessiné sur le plafond de leur chapelle un dessin sur lequel il y a un homme qui est dans les nuages avec une barbe blanche et le torse nu, et il tend la main à un autre homme qui est supposément Adam, et allez, ils disent que ça c'est Dieu quand il a créé Adam. Donc ils ont imaginé Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un être humain. Et bien entendu, le fait d'avoir dessiné et imaginé Allah le créateur comme étant un être humain, ça a facilité pour les chrétiens de leur faire accepter la notion de fils de Dieu. Parce que si quelqu'un est capable d'imaginer le Créateur comme étant un être humain, eh bien, il est capable facilement par la suite de dire, ouais, ben, si c'est un être humain, il peut avoir un fils qui est humain aussi. Hein? J'ai dit Léonard de Vinci, c'est Michel-Ange. Exactement. Je me suis trompé. Barakallahu fik. C'est exactement ça, Michel-Ange. Donc, c'est Michel-Ange qui a peinturé là-bas cette peinture-là. Et chez les témoins de Jéhovah aussi, je me rappelle, souvent ils venaient passer par exemple à la maison quand j'étais plus jeune, et même avant l'islam, et je me rappelle qu'ils laissaient toujours leurs livres avec des dessins dedans. Dans leurs livres avec les dessins, tu vois par exemple à certains endroits une photo d'un homme assis sur un trône qui est dans le ciel, hein, avec une barbe et ainsi de suite. Puis ils disent que c'est Allah, hein, ils dessinent un être humain, puis ils disent que c'est Dieu, Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples de tamthil, et ça c'est kufr, c'est shirk, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa kamithlihi shay. Et parmi les gens de tamthil, le cheikh il dit, il y en a qui disent que c'est une personne, il a des cheveux, il a un visage, hein, il a un visage blanc qui est rond, hein, et ainsi de suite, et il mentionne toutes sortes de caractéristiques de beauté, hein, il parle sans arrêt de ça. Il n'y a pas de limite à, aux descriptions qu'ils peuvent donner, hein, de ce sujet-là, jusqu'à ce que certains ont, sont allés même jusqu'à dire, demandez-moi tout ce que vous voulez à propos de Dieu, comment il est, mais épargnez-moi seulement de parler des parties intimes et de la barbe. Et ils disent ça juste par piété, hein, soi-disant par, hein, pour pas rentrer dans, dans ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'Allah nous pardonne de ce par quoi ils ont été éprouvés comme innovation et égarement. Et donc ça c'est dangereux. Et le cheikh dit wa haqiqatan an al-amr kama qala cheikh al-islam rahimahullah haythu yaqulu kullu mumathilin mu'attil, hein, kullu mumathilin mu'attilun wa kullu mu'attilin mumathilun wa kana al-mu'attil mumathilan wa huwa yanfi li'annahu إنما عطل وهو يعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل فمثل أولا بمفهومه ثم عطل ثانيا بمنطوقه قال ما دام يقتضي التمثيل ما دام يقتضي التمثيل فأنا لا أثبته والممثل معطل لأنه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص ومن مثل الكامل بالناقص انتقصه حتى قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لشيخ الزي la réalité, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah l'a dit à propos de ça, il a dit: toute personne qui nie les attributs, toute personne qui fait des ressemblances entre le Créateur et la créature, il tombe dans la négation. Et toute personne qui est un négateur des noms et des attributs d'Allah tombe dans la ressemblance entre le Créateur et la créature. Vous avez compris? Kullu mumathil mu'attil. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne qui fait le temthil, il fait en réalité le ta'til. Ça veut dire, toute personne qui fait des ressemblances entre le Créateur et la créature, il tombe dans la négation. Et le contraire aussi. Toute personne qui tombe dans la négation, kullu mu'attil mumathil. Toute personne qui fait le ta'til, qui nie les attributs d'Allah, c'est en fait un mumathil. Quelqu'un qui fait une comparaison ou une ressemblance entre le Créateur et la créature. Comment? De quelle façon? Là, le cheikh, il explique. Il dit, la personne qui fait le ta'til, hein, la personne qui nie les attributs d'Allah, eh bien, il est un mumathil. Il fait la ressemblance entre le Créateur et la créature. On l'a expliqué tout à l'heure, comment? Parce que, pourquoi il nie les attributs d'Allah? C'est parce que dans sa tête, il a imaginé une ressemblance entre le Créateur et la créature. Et étant donné qu'il a su qu'on ne peut pas faire une ressemblance entre le Créateur et la créature, il a dit, dans ce cas-là, il faut le nier. Donc il fait le temthil dans son esprit en premier, puis il tombe dans le ta'til, la négation, en deuxième. Pourquoi? Parce que il nie la réalité de l'attribut. Vous comprenez? Et le contraire est vrai aussi, celui qui fait le tamthil, il tombe dans le ta'til. Celui qui fait la ressemblance entre le Créateur et la créature, il tombe dans la négation. Mais dans quelle négation? Il dit, il tombe dans la négation de la perfection divine. C'est comme s'il nie les attributs parfaits divins. Pourquoi? Parce qu'il fait ressembler Allah aux créatures. Et les créatures sont imparfaites. Donc il fait ressembler le parfait à ce qui est imparfait. Et donc en faisant ça, il nie la perfection divine en le réduisant. Parce que toute personne qui compare ce qui est parfait à ce qui est imparfait, il diminue le parfait. Et il donne l'exemple dans un poème. Il dit, celui qui compare une épée à un bâton, il fait perdre à l'épée sa valeur. Hein? Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila anna as-sayfa amda min al-'asa. Des fois c'est comme quand tu compares deux choses l'une avec l'autre, mais que la comparaison est tellement éloignée, c'est comme si c'est presque une insulte de les comparer. Hein? Donc c'est ça qu'il dit. Il dit, ne vois-tu pas que l'épée perd de sa valeur lorsque tu dis que l'épée est plus durable que le bâton? Donc tu rabaisses l'épée en la comparant au bâton. Et c'est ça qu'il veut dire, le cheikh ici. En comparant la créature au créateur, tu diminues le créateur. Donc c'est comme si tu... Hein, c'est comme si ici tu lui as enlevé, hein, c'est comme si tu nies sa perfection. Il dit, وقال الشاعر إذا وصف الطائي إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قصا بالفهامة باقل وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل فيا موت رز إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. Bon, celui-là, je ne vais pas l'expliquer. Il est un petit peu plus compliqué. Il dit, فانظر الآن مادر من أبخل الناس يقول لحاتم إنه بخيل. والسها يعني خفي لا يشاهد يقول للشمس أنت ضئيلة والدجى يقول للصبح لونك حائل وعير قصا بالفهامة باقل فقص الذي هو من أفصح الناس وأبلغهم يعير بالفهامة باقل فبعد هذا ليس في الحياة خير فيا موت رز إن الحياة ذميمة يعني ويا نفس جدي فإن دهرك هازل فهذا وفق الله عالم من العلماء فإذا وفق الله عالما من العلماء المتبحرين في هذا الباب وأتى بالأدلة النقلية والعقلية فسوف يموع هؤلاء كما يموع الملح في الماء لأنهم ليس عندهم دليل وزعماؤهم ورؤساؤهم يقولون عند الموت أموت على عقيدة أمي قال الرازي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Donc le cheikh il explique le vers, mais même l'explication ça clarifie pas, mais c'est juste pour dire qu'il y a des gens, ils comparent des choses qui sont incomparables, ou ils qualifient des choses par des choses opposées ou extrêmes, ce qui fait que yani, quand tu veux comparer deux choses incomparables, ça marche pas. Et après il dit que si un savant, Allah lui a donné la compréhension et la science parmi les gens qui sont fermement ancrés et yani, qui ont beaucoup de science dans cette question, ils sont capables de ramener les preuves non seulement de la révélation mais en même temps de la raison. Et il est capable par la suite de faire fondre ces gens de bid'a comme du sel dans l'eau. Il dit, Pourquoi? Parce que ces gens de bid'a n'ont aucune preuve pour supporter ce qu'ils font comme négation des noms et des attributs ou comme ressemblance entre le Créateur et la créature. Et il dit même que ceux qui sont à la tête de ces gens de bid'a, parmi leurs savants et leurs références et leurs penseurs et leurs philosophes, les plus savants d'entre eux et les plus connus d'entre eux, quand ils arrivaient à la mort, ils étaient dans le doute. Hein? On dit de l'imam Al-Ghazali qu'il a dit « Ashadun nasi shakkan indal maut ahlul kalam ». Les gens qui ont le plus de doutes au moment de leur mort, ce sont ces gens-là, les gens de qui rentrent dans la philosophie et qui essaient de parler à propos d'Allah en se basant juste sur leur raison et leur logique. Et il parle aussi de Al-Razi ici. Il a dit, quand c'était venu le moment de sa mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, me voici, je meurs sur la croyance de ma mère. C'est-à-dire sa mère qui n'avait pas étudié la philosophie, qui n'avait pas étudié rien de ces sciences de kalam, mais il meurt sur sa aqida, pour en voulant dire une femme ordinaire, simple, qui croit à la croyance du reste des musulmans, hein, qui est sur la aqida de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Il dit, ça y est, après avoir... Il cite les vers de poésie qu'il a écrit. Hein? Il dit, « Nihayatu iqdam al-uquli iqalu » C'est-à-dire, il dit, « Wa aktharu sa'y al-alamina dalalu » À la fin, hein, notre raison, elle est limitée. Et la plupart des efforts du monde entier sont des égarements. Et il dit, « Wa arwahuna fi wahshatin min jusumina » Même nos corps, nos âmes à l'intérieur de nos corps, elles sont étrangères à nous-mêmes. Parce qu'ils ne se sentent pas bien en eux-mêmes, ils sont confus, ils sont dans le doute. Et le résultat de notre vie dans cette vie d'ici-bas, c'était que de la nuisance et des problèmes, hein, et des malheurs. Walam nastafid min bahthina tout l'umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Pendant toute notre vie, on a fait des recherches dans la philosophie pour essayer de trouver des réponses, des réalités, des preuves. Et on n'a rien profité de tout ça, excepté qu'on a rassemblé ce qu'un tel a dit, ce que l'autre a dit. Hein? Qila wa qalu. Qu'est-ce que lui a dit? Qu'est-ce que l'autre a dit? Qu'est-ce que l'autre a dit? Mais ça, c'est pas des preuves. Ça, c'est du qil wa qal. C'est pas du ilm. Alors, c'est pour dire que, à la fin de leur vie, ils arrivent devant la mort, puis ils réalisent qu'ils ont perdu leur temps à étudier cette philosophie et toutes ces bêtises-là. Sinon, ils auraient pu se consacrer au Coran et à la Sunna et à comprendre la aqidah. Hein, en se basant sur la révélation et revenir à la voie des salafs, et ils auraient été épargnés de ça. Mais eux, ils pensaient que la voie des salafs et que la aqida des salafs, c'est quelque chose de futile. Ils ont dit non, ça c'est la aqida des gens simples, ordinaires, la aqida des gens du commun. Nous, on veut aller plus au fond des choses, on veut aller dans la philosophie et comprendre les mystères. Ils n'ont rien compris finalement. Parce que tu peux pas dépasser la limite de tes cinq sens. Peu importe où tu vas, hein. Tu peux pas savoir à propos de qu'est-ce qui est dans le raïb, excepté ce que Allah a révélé. Et t'es pas un prophète. C'est seulement les prophètes qui reçoivent une révélation divine. Les philosophes sont des êtres humains. Ils essaient d'utiliser leur imagination, leur esprit, leur raison, pour essayer de comprendre certaines choses, certaines idées. Mais ils ne peuvent pas dépasser la limite de leurs cinq sens. Mais les messagers d'Allah, ils reçoivent des connaissances que les philosophes ne peuvent jamais recevoir. C'est une connaissance d'une révélation divine. Ce n'est pas le fruit de leurs réflexions ou de leurs idées qu'ils ont essayé de méditer pour essayer de comprendre l'univers ou le monde. Et essayer d'imaginer comment les choses se passent, et essayer de comprendre par eux-mêmes, par leur logique, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la vie, qui est Allah, qu'est-ce qui se passe après la mort. Non, c'est pas ça. Les prophètes, ils n'ont pas fait ça. Les prophètes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a révélé les choses par révélation, par l'intermédiaire d'un ange, ou par le fait qu'il s'est adressé à eux directement, ou par inspiration, hein. Tandis que les philosophes, c'est des êtres humains ordinaires, ils n'ont pas de révélation, hein. Donc c'est ça. Et il y en a d'autres aussi qui essaient de dépasser la limite des cinq sens, mais qui tombent dans le mensonge, comme les sorciers, hein, les charlatans, les voyants, qui rentrent en contact avec les djinns, hein, ou bien les charlatans parmi les marabouts et les soufis, là, qui eux aussi essaient de rentrer en contact avec les djinns pour essayer d'obtenir des connaissances et des choses que les gens ne connaissent pas, pour essayer de profiter de ça pour les manipuler ou jouer avec les gens. Donc ça, c'est un autre exemple, hein. Il dit « وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ أَبَدًا » Puis il y a les scientifiques, eux, qui sont ni des philosophes, ni des sorciers, mais qui essaient d'utiliser la matière et les sens, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour essayer de modifier, transformer, utiliser la matière pour faire des choses soit nuisibles ou bénéfiques. Il y a des choses, il y en a parfois, les scientifiques, ils inventent des choses, ils fabriquent des choses. Il y en a des choses qu'ils font qui sont très bénéfiques, et il y en a d'autres qui sont très nuisibles, qui sont très destructrices. Parce que si quelqu'un n'est pas guidé, hein, il n'a pas la foi, il n'a pas la guidance d'Allah, il ne va pas être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est bien et mal, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il risque de l'utiliser pour faire du mal. Comme l'exemple de, hein, les bombes nucléaires et les armes de destruction massive que les koufars, ils ont inventées, par exemple. Ça c'est un autre degré aussi. Mais c'est des exemples de choses que les koufars ont inventées, des armes qui peuvent détruire tout. Alors, à quoi ça sert de créer des armes qui peuvent détruire toute l'humanité? C'est quoi le but? C'est pour ça que les musulmans, ils étaient souvent en avance sur les koufars dans le passé, sur le plan militaire. Et ils avaient toujours le dessus sur les koufars. Mais jusqu'à ce que les koufars, eux, commencent à développer justement leur science et qu'ils commencent à découvrir justement d'autres armes, mais qui sont tellement des armes tellement destructrices et mauvaises que les musulmans ne pouvaient pas, hein, les suivre jusque-là. Non, mais tout ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui se produit excepté par la volonté d'Allah. Donc c'est pas ça la question, en fait. C'est de savoir, d'essayer de comprendre derrière ce que Allah a voulu, la sagesse et les raisons pour lesquelles nous les musulmans, on n'a pas le droit de dépasser certaines limites par rapport à notre croyance et notre foi et notre pratique, tandis que les koufars, eux, ils n'ont pas cette limitation là puisqu'ils ne croient pas en Allah. Et donc pour eux, de détruire une nation en entier d'un seul coup, ça ne leur dérange même pas. Ils ont envoyé la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, c'est comme si c'était rien, hein? Ça ne leur a pas fait un problème de conscience. Alors ils ont tué des femmes, des enfants, des innocents comme ça, comme si rien n'était, hein? Oui, les gens, ils souffrent encore de la radiation et de tout. Donc si on va dire que nous les musulmans, pourquoi on n'est pas arrivé jusque là, c'est pas parce que nous on n'est pas capable, c'est parce que nous on ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit d'aller jusque là, hein, d'aller jusqu'à, sinon quoi, on va faire une bombe plus grosse que la Terre pour détruire la Terre. Ça c'est clair parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a ordonné de nous préparer, puis de rester toujours vigilants, de rester toujours forts, hein, de nous organiser, d'obéir dans le bien à nos dirigeants, de ne pas se diviser. Si on serait resté sur l'exemple du prophète, c'est sûr qu'on n'aurait pas ce problème. Mais Allah, il nous a punis. Hein? La réalité, c'est ça. Allah, il nous a punis, nous les musulmans, maintenant, parce qu'on s'est éloigné de son ordre. Et tout ce qui nous a arrivé comme problème, malheur et faiblesse, c'est uniquement à cause de ce que nos mains ont acquis. Allah, il le dit dans le Coran. Il dit « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » Tout ce qui vous a atteint, hein, comme malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Et il, malgré ça, il pardonne beaucoup. Donc, c'est certain que si on aurait suivi le chemin d'Allah comme Allah l'avait ordonné, ce ne serait pas comme ça. Mais bon, il y a une sagesse divine dans la situation actuelle. C'est sûr que Allah, si c'est arrivé, c'est parce qu'il l'a voulu, et pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester. Oui, il nous teste par la force, il nous teste par la faiblesse, il nous teste par la puissance, il nous teste par la victoire, il nous teste par la défaite, et ainsi de suite. Après, le cheikh dit « فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ أَبَدًا لَكِنَّ الْمُشْكِلِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ خَوَّافٌ يَهَابٌ فتجده إذا رأى شجرة تتحرك من بعد قال هذا عدو معه سيف وبندق وهرب وإلا فلا يمكن لأحد أن يقوم بالباطل على حق أبدا قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يعني كلمات عظيمة نقذف يعني نرمي بشدة فيدمغه يعني يصل إلى أم الدماغ فإذا هو زاهق يعني يمول حالا ولا يتأخر ولكن أين الضارب donc le cheikh il dit regardez ça vous allez voir après qu'est-ce qu'il dit le cheikh il dit les gens de bid'a ils n'ont pas de science les philosophes les gens de kalam Il dit, le cheikh, il dit, le problème, c'est qu'il y en a parmi nous, il y a des gens qui sont peureux. Parmi les gens, il y en a qui sont peureux. Ils voient les philosophes. Et les philosophes, vous les savez, c'est des gens arrogants, fiers. Ils ont, des fois, ils ont des grandes bouches. Et ils parlent fort. Alors, quand ils parlent, avec leur ton et avec leur méthode, les gens, ils sont impressionnés. Et il y en a parmi les musulmans, parfois, qui peuvent être intimidés. Hein? Quand certaines personnes voient une personne qui sait bien parler, qui sait bien s'exprimer et qui utilise des grands mots, alors là ils vont être devant lui, ils vont avoir peur. Ils vont dire, lui il parle trop bien, sûrement il a beaucoup de science. Alors que c'est un jahil, un ignorant, il sait même pas, il sait rien de la religion. Hein? Si quelqu'un il a un minimum de connaissances dans le Coran, dans la Sunna et dans la Aqida, il peut le réfuter facilement, clairement, simplement. Mais le cheikh, il dit, c'est ça, il dit, des fois, les gens, ils sont peureux. Il dit, ils vont voir, par exemple, au loin, un arbre qui bouge, hein, un arbre avec les branches qui bougent, et ils disent dans leur esprit, ah, il y a quelqu'un dans l'arbre, un ennemi avec une épée ou un fusil, et il part à la fuite. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. Alors il dit, mais sinon, le musulman, il doit être convaincu que ce n'est pas possible pour quelqu'un de se tenir en face de la vérité. Impossible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible pour quelqu'un, peu importe qui il est, qui est sur le faux, de tenir tête et de faire face à la vérité. Impossible. Le musulman qui connaît le Coran et qui comprend le Coran et la Sunna et qui connaît la aqida des salaf et qui a les preuves et qui a un minimum de connaissances et d'intelligence, il peut réfuter n'importe qui et il peut détruire n'importe qui, même si c'est le plus grand philosophe au monde. Il n'y a rien qui peut tenir devant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق c'est-à-dire hein, et nous lançons la vérité sur le faux et il le détruit et le voit qui est disparu, anéanti. Hein? Donc ça veut dire, le faux, c'est sa nature. Par nature, le faux est toujours éliminé et détruit. Et donc, il le frappe avec force. La vérité frappe le faux avec force. Il rentre jusqu'au fond de cette fausseté-là. Il la détruit complètement. Elle meurt sur le champ, cette fausseté-là. Mais où est la personne qui va frapper? C'est ça le problème. Hein? Donc le cheikh dit « Wa ana atamanna an yakuna fil internet mawaqi'u tu'arij mithla hadhihi al-ashya' biduni muhajama wal muhaba wal muhajama biduni muhajama fal muhajamatu la tufid walakin bil lin wal hudu tahsul al khayr al kathir. Donc le cheikh dit, je souhaiterais qu'il y ait sur l'internet des sites qui traitent de ces questions-là, de ces sujets-là, sans attaque. Il dit, parce que si c'est des attaques, il dit ça ne sert à rien. Et avec la douceur et avec la bonne explication, c'est ça. Billin, avec douceur, avec calme, hudo. Et là, ça va ramener beaucoup de bien. Donc c'est ça le cheikh. Il était au début, quand le cheikh il était à son époque, cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il n'y avait pas encore le développement de l'internet comme maintenant. C'était l'internet, c'était le début de l'internet. Mais le cheikh il savait que on pouvait utiliser quand même l'internet pour des bonnes choses. Et les ulama ils l'ont toujours dit. Il a dit, si vous pouvez par exemple aller sur internet et propager la vérité et expliquer la vérité aux gens et faire connaître la vérité aux gens, ça c'est un moyen, il faut l'utiliser. Bien entendu, il y a le vrai, il y a le faux, mais s'il y a le faux dedans, il faut qu'il y ait le bien aussi. Tu ne vas pas dire parce qu'il y a le faux, on laisse on laisse aux gens du faux, non. C'est ça que Cheikh Ibn Uthaymin il a expliqué justement. Il a dit, vous n'allez pas dire, ah, parce que dans l'internet il y a du faux, il ne faut pas l'utiliser, il faut laisser ça. Après, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens du faux, ils vont le prendre au complet. Après, il n'y aura aucune référence de bien dedans. C'est ça. Donc le Cheikh il a dit, non, il faut que les gens de la vérité utilisent ce moyen-là pour propager la vérité dans l'internet. Tu vois? Et alhamdoulilah quand même il y a beaucoup de bon et de bien, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'égarements. Et j'ai remarqué des fois, parce que ça m'arrive parfois de faire des recherches sur internet pour trouver des questions ou pour trouver des sujets, que ce soit sur la religion ou autre, et quand tu cherches une question sur la religion, si tu n'as pas de science et que tu ne connais pas qui sont les savants, tu risques facilement de tomber dans une erreur. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué malheureusement, c'est que lorsque tu écris un sujet sur internet, les premières choses qui apparaissent parmi les suggestions des recherches que tu trouves, en général, tu trouves toujours les gens d'égarement en premier. Et ça c'est quelque chose, Yann, c'est choquant Yann, tu dis mais comment ça se fait? Hein? Non, ça arrive souvent, je te dis, des recherches générales sur différentes questions. Tu vas par exemple chercher sur tel ou tel sujet, je vais pas donner d'exemple, mais yani, ça arrive souvent que quand tu cherches une question quelconque dans le fiqh ou dans le hadith ou des choses comme ça, sur Google par exemple, et tu tapes le sujet, les réponses que tu vas trouver, les personnes qui sortent en premier, c'est tous des gens de bid'a. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour dire que si quelqu'un ne connaît pas les ulama, il ne connaît pas, il n'a pas une base pour distinguer entre qui sont les gens de la sunna, qui sont les gens de l'égarement, il va chercher quelque chose, il va prendre le premier qu'il voit sur la liste. Ou bien il va voir dans les suggestions sur YouTube, les vidéos qui apparaissent en premier pour le sujet qu'il a cherché, il va voir des têtes, des gens qui apparaissent en haut. Et il va cliquer sur ces liens-là. Et il va s'imaginer que ces gens-là sont des savants, ou des ulama de la sunna, ou des gens de la vérité. Alors que c'est des égarés, des gens de l'égarement. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et comme le frère il a dit, c'est des fois c'est des algorithmes, de façon que la façon dont ça fonctionne, c'est les personnes qui sont le plus sélectionnées, ou le plus les liens sur lesquels on clique le plus, ou les vidéos qui sont les plus souvent regardées, c'est elles qui vont apparaître en premier. Alors à cause de ça, les gens de bid'a, ils font exprès pour justement faire en sorte que les gens cliquent plus sur ces liens là. Ils vont faire exprès, même peut-être eux-mêmes, ils vont cliquer 2000 fois sur leur propre lien. Oui, il y a des programmes qui permettent, comme le frère a dit, mais j'ai entendu parler de ça, mais aussi même eux, entre eux, ils se disent, ok, ils envoient un email à un groupe de personnes, parmi leurs contacts, tout le monde cliquait sur ce lien. Et là, ils cliquent tous sur le lien pour faire monter le truc. Puis après ça devient la tendance, et après les gens ils se le propagent, puis les gens pensent que c'est quelque chose de bon. Donc il faut faire attention à ça, Allah al-Musta'an, et s'écarter de ces égarements là, parce que sinon quelqu'un peut facilement tomber dans l'erreur. Et quelqu'un qui sait, par contre, qui connaît les ulama d'Ahl-Sunna et qui sait qui sont les bonnes références, donc quand il voit la liste qui apparaît, il va choisir. Hein? Il ne va pas cliquer sur le premier qui apparaît. Il va voir c'est qui, c'est quel site, c'est quoi le c'est qui le savant, hein, qui a parlé. Et celui qui est sur la sunna, il va le prendre. Celui qui n'est pas sur la sunna, il va le jeter. Tu vois? Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire que des fois, il y a des sites qui ne sont pas les sites officiels de ces savants-là, par exemple. Et il y a des gens, parfois, ils vont prendre des citations qui sont attribuées à des personnes de certains sites étrangers ou autres, comme des forums, par exemple. Des gens qui prennent une citation puis qui la mettent dans leur site ou dans leur forum. Et parfois, peut-être que cette citation-là, elle n'a pas été copiée de manière honnête. C'est pour ça qu'il faut toujours, et ça, c'est quelque chose que les gens de Ahl-Sunna, ils mettent beaucoup d'importance là-dessus, de toujours mentionner la référence exacte de l'origine de la parole. Comme par exemple, s'ils vont mentionner une parole d'un savant en particulier, ils vont toujours citer l'origine de cette parole-là. Dans quel livre? Dans quelle édition? À quelle page? Oui, quelle page? Et si c'est un hadith, la même chose. Si c'est une parole d'un savant, la même chose. Comme ça, tu peux, même si tu la lis sur Internet, c'est déjà arrivé même dans le passé, que tu trouves une parole et que quelqu'un dise « Ah, ça c'est tiré de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. » Et là, il te donne la référence avec le livre et la page. Quand tu retrouves au livre et à la page, tu vois que c'est même pas la parole que la personne a citée. Alors tu dis, vous citez ça comme référence, mais quand on retourne à la référence en question, on trouve que qu'est-ce que vous avez cité, c'est pas ça que le cheikh il a dit, c'est autre chose, parce qu'il a pris une partie et il a pas mis qu'est-ce qui était avant ou après. Il a sorti de son contexte ou il a déformé la parole. Donc il faut faire attention dans ces questions-là, et ça c'est quelque chose qui demande beaucoup de précautions, hein, beaucoup d'efforts et de temps. Surtout que les gens, en général, peu d'entre eux ont des bibliothèques chez eux pour vérifier les livres, vérifier les paroles des ulama et retourner aux références. Et ça, c'est dommage, parce que les musulmans devraient au moins posséder certains livres. Hein, comme les ulama disent, il y a certains livres, toutes les personnes devraient au moins en posséder une copie dans leur bibliothèque personnelle à la maison. Hein, certains livres de base. Et c'est important, mais malheureusement, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Ouais, c'est ça, c'est les posséder, mais pas les posséder juste pour les exposer, les posséder pour les lire, bien entendu. Parce que si c'est juste pour les posséder comme une décoration, Alors ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des gens, comme tu dis, ils se filment devant leur livre et ils parlent, ils font une discussion, ils parlent devant la caméra et derrière eux il y a les livres et ils disent le contraire de ce qui est écrit dans ces livres-là. Allah Mustaan. En tout cas, on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.